Ninga na bato na ebisao. A je travele loko ninyo. A je travele zali agence. Olingi ko voyage, somba tike na je travele. Olingi ko bengi sa marchandise. A je travele, sécurité zali. Réservation ya chambre nango ko zali ko kende. A je travele ko sale la yo. Ozali homme d'affaires moninga. Pas problème ya voyage, kende na je travele. A je travele l'agence ya sika. Davantage kama, on a ba voyage. Siège social et on a Kinshasa. 124 avenue Mongalao. Siège social et on a Kinshasa. 124 avenue Mongalao. Batou ninga na batona yebisao. A je travele loko ninyo. A je travele zali agence. Olingi ko voyage, somba tike na je travele. Olingi ko bengi sa marchandise. A je travele, sécurité zali. Réservation ya chambre nambo ko zali ko kende. A je travele ko sale la yo. O zali homme d'affaires moninga. Pa problème ya voyage, kende na je travele. A je travele agence ya sika. Avantage kama. On a pas voyage. Siège social et on a Kinshasa. 124 avenue Mongalao. Siège social et on a Kinshasa. 124 avenue Mongalao. Je travaille, transport, assurance, préservation. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Je travaille, transport, assurance, préservation. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Chérie, on a kakinga y mobembo, mon colonini na koko manam potoye. Boka bakumi sa mingyo, foute la ngay tike na je travaille. Oh baningae, a je travele agence ya sika mamae. Oh bamplangie, ba avantage en kama pona ba voyageur. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokete. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokete. Mobeli nangana lela pe mingyo. Mokolo nini na koko manampotoe. Mboka bakumi sa mingye. Mutela nga tike na je travele. Oh baningae, osali zaïroite, osali étranger. Oh bampangie, davantage kama pona ba voyageur. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Et na kibwe, dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Na matalie. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Lumbashie. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Chérie, on a kakinga y mobemboe. Mon colonini na koko mana kibwe. Mboka bakumi sa mingye. Malilie, oh elengio. Oh bampangie, mon colonini. Nina koko mabuka bwe. Oh baninga e. A je travele l'agence ya sika mama e. A je travele, transport, assurance, pe réservation. On a ki bwe. Dédouanement, assurance, na mobe molingi kokende. Na matalie. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Lubumbashie. Dédouanement, assurance, na mobe molingi kokende. Mobali nangana lela pe mingyo. Mokolo nini na koko mana mpoto e. Mboka bakumi sa mingyo. Mutela nga tiki ata na mbandaka e. Oh baninga e. Ozali zaïroite, ozali étranger. Oh bampangi e. Bavantage kama pona ba voyageur. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Na matadi e. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Na mukabu o. A je travele, transport, assurance, pe réservation. Lubumbashi e. Dédouanement, assurance, na mauvais bolingi kokende. Mobali nanga na lela pe mingyo. Mokolo nini na koko mana poto e. boka bakumisa mingi utelanga tatike ya Lubumbashi o baninga e mokolo nini na kokoma na shaba e o bampangi bavantage kama mpona ba voyage Agent travel, transport, assurance, paie, réservation. Des douanements, assurance, n'a mauvais molingi, Agent travel, transport, assurance, paie, réservation. Des douanements, assurance, n'a mauvais molingi, coquette. Mobeli nangana le la femmingio, mon colonini na coco, mama tadie. Boka bakumisa mingi, boka mabanga, boka mbula matadie. Oh baninga e, mokolo nini na koko mana matadie. Oh bampangie, bavantage kama pona ba voyageur. Agent travel, transport, assurance, paie, réservation. Oh matadie, édouanement, oh, assurance, oh, na mauvais bolingi kokete. Agent travel, transport, assurance, paie, réservation. Nous vous pêchiez. Édouanement, oh, assurance, oh, na mauvais bolingi kokete. Yo le mon paya, caca chongo.